à tous et merci d'être bien présents, nombreux, nombreuses. Alors, les propos et actes LGBTQIAP+, phobes, tu, défendons-nous. Ces derniers mois, plusieurs prises de parole publiques réactionnaires, notamment à l'encontre des droits des personnes trans ou autour du chemsex, ont donné lieu à un déferlement de violence médiatique. Un député d'extrême droite nous appelle le poison du wokisme. À cela s'ajoute une homophobie persistante depuis les débats sur le mariage pour tous, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Les attaques contre les personnes LGBTQIAP+ et le recul de leurs droits impactent leur santé et font le lit de ces épidémies des ISS. Les personnes LGBTQIAP+ sont les personnes les plus exposées au virus du VIH et des effets virales à cause des discriminations et des limitations de leurs droits en raison de nos orientations sexuelles, de nos genres, de nos pays. Face à l'inertie de nos politiques, au silence de personnalités publiques, face au traitement médiatique déséquilibré, face aux injures, face à cette homophobie, lesbophobie et transphobie d'État qui perdurent, mobiliser nos communautés et nos alliés. Nous, AIDE, association de lutte contre le VIH et les hépatites, soutenue depuis des années par l'association Marée Basse, nous nous battons pour l'accès aux droits et aux soins des personnes LGBTQIAP+. Une meilleure offre de santé pour les personnes trans et les femmes en général, un meilleur accompagnement médico-social pour les personnes d'origine étrangère et étrangère, pour en situation régulière ou irrégulière, une meilleure prise en compte des problématiques queer par les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Mais au-delà rejoint AIDE dans son engagement dans cette large de fierté. La santé des personnes LGBTQIAP+ est un sujet plus que fondamental. Il est important pour Maison de l'Art d'être avec AIDE aujourd'hui, car les drags sont lignes de front des larges depuis l'organisation des premières marches. Maison de l'Art est aussi une association de drag créatures, ayant pour but la professionnalisation de la drag et la médiation. En effet, la fierté passe par la liberté d'être soi-même. Il est nécessaire de préserver et de mettre avant l'art drag, mais aussi de rallier au maximum nos forces.